Les représentations artistiques et les bals ont eu lieu partout dans le pays, comme la ville de Wonsan de la province du Gangwon, la ville de Saliwon, province du Fang et du Nord, et la ville de Chongjin, province du Hamgyong du Nord, pour féliciter la grande victoire nationale dans le deuxième tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Les participants ont chanté et dansé avec la grande fierté nationale d'avoir honoré le dirigeant suprême Kim Jong-un qui a opéré un grand événement spectaculaire d'aujourd'hui.